Les témérités d'affrontements fratricides opposés à l'aspiration nationale à la réunification et à la paix continuent en Corée du Sud. À ce propos, le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a publié une communication, le premier courant. Il indique notamment « Tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora applaudissent à notre appel historique du Nouvel An à ouvrir une voie large à la réunification indépendante en conjuguant la volonté et la force de toute la nation et désirent ardemment l'amélioration des rapports Nord-Sud et la présence de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne. » Mais depuis le début de l'année, les autorités sud-coréennes rebattent les oreilles d'affrontements sur le dossier de dénucléarisation du Nord et des droits de l'homme du Nord. Comme tous les jours, elles font grand bruit de la menace du Nord et de sa provocation imprévue, tout en criant la nécessité d'être prêts à y faire face et les représailles efficaces. Elles effectuent partout en Corée du Sud les manœuvres militaires contre notre République. Nous savons que leur témérité vise à sauver de l'impasse le sort de Park Geun-hye et à éviter la crise actuelle de destitution. Si les autorités sud-coréennes recourent à la confrontation et à la provocation démesurée en vue de remédier à leur situation interne catastrophique, cela risque de se dégénérer en conflit et en guerre inimaginable, menant inévitablement les fantoches sud-coréens à la ruine honteuse. Elles sont vouées à l'humiliation et à l'affront plus honteux si elles sont en proie au servilisme envers les États-Unis comme aujourd'hui, habituées à vivre à la solde de grandes puissances, loin de juger de son propre chef la situation de voisinage en changement brusque et de discerner le principal ennemi de la nation. Elles doivent revenir de ces erreurs avant qu'il soit trop tard pour serrer notre main tendue et s'engager à façonner le destin indépendant de la nation. Voilà la demande de tous les compatriotes et le dernier conseil de l'histoire. Le problème, c'est que les autorités sud-coréennes tournant le dos à ce courant actuel se démènent insensément à effectuer en mars prochain les manœuvres conjointes Kirisolve et Aigle sur leur initiative en introduisant de nouveau des biens stratégiques nucléaires des États-Unis. Si les autorités sud-coréennes détournent la tête devant notre bonne volonté et notre appel sincère pour opter insensément pour la confrontation et la guerre suivant les États-Unis, notre magnanimité et notre patience ont aussi leurs limites et les résultats catastrophiques qui en découleront retomberont entièrement aux fantoches sud-coréens.